En résumé, je vois trois partis. Non, trois groupes. Et dont aucun ne m'intéresse. Ceux qui ont, ceux qui n'ont plus, et ceux qui tâchent d'avoir. Mais tout s'accorde dans l'idolâtrie imbécile de l'autorité. Exemple. Mably recommande qu'on empêche les philosophes de publier leur doctrine. Monsieur Vronsky, géomètre, appelle en son langage la censure, ouvrez les guillemets, répression critique de la spontanéité spéculative, fermez les guillemets. Le père enfantin bénit d'Habsbourg, ouvrez les guillemets, d'avoir passé par-dessus les Alpes une main pesante pour comprimer l'Italie, fermez les guillemets. Pierre Leroux veut qu'on vous force à entendre un orateur. Et Louis Blanc incline à une religion d'État, tant ce peuple de vassaux a la rage du gouvernement. Pas un, cependant, n'est légitime, malgré leur sempiternel principe. Mais, principe signifiant origine, il faut se reporter toujours à une révolution, à un acte de violence, à un fait transitoire. Ainsi, le principe du nôtre est la souveraineté nationale, comprise dans la forme parlementaire, quoique le Parlement n'en convienne pas. Mais en quoi la souveraineté du peuple serait-elle plus sacrée que le droit divin? L'un et l'autre sont deux fictions. Assez de métaphysique, plus de fantômes. Pas les besoins de dogmes pour faire balayer les rues. On dira que je renverse la société. Eh bien, après, où serait le mal? Elle est propre, en effet, ta société. Frédéric aurait eu beaucoup de choses à lui répondre. Mais, le voyant loin des théories de Sénécal, il était plein d'indulgence. Il se contenta d'objecter qu'un pareil système les ferait haïr généralement. Au contraire, comme nous aurons donné à chaque parti un gage de haine contre son voisin, tous compteront sur nous. Tu vas t'y mettre aussi, toi, et nous faire de la critique transcendante. Il fallait attaquer les idées reçues, l'académie, l'école normale, le conservatoire, la Comédie-Française, tout ce qui ressemblait à une institution. C'est par là qu'ils donneraient un ensemble de doctrines à leur revue. Puis, quand elles seraient bien posées, le journal tout à coup deviendrait quotidien. Alors, il s'en prendrait aux personnes. Et on nous respectera, sois-en sûr.